mauvaise langue, langue, langue à terre et langue qui pend. Alors une chanson au clair de lune, ça fera l'affaire. Je n'avais rien de mieux à faire que de me mettre en quatre pour vous dire combien je suis fini, fini, foutu, fichu. Et une chanson rien que pour ça. Quand on a manqué sa vie, ce qui d'ailleurs la rendrait moins pénible. Pas un écart, pas une rixe, pas un seul mot déplacé, même pour mourir. Alors j'ai fait appel au plus doué de mon quartier, même d'à côté. Les auréoles, olé, olé, éoliennes, tout oui, ma suite royale. Au taquet, Dream Team ne se fait pas comme ça. Nouvelle salle, trois mérites plus que ça. C'est en grattant que l'on devient ce que l'on avait rêvé d'être au Saint-Simon. Crois-moi vraiment, c'est mieux qu'un morpion. Je suis venu récupérer mes points. Un gringalé au milieu des ronins. Gamin, taquin, mais toujours sain d'esprit. La vie d'ironie oscille tout sans aucun mépris. Mais les esprits ont quitté la terre. Et je pense toujours à toi là par terre. Ça et là, comme un clochard tocard, ça le mal nourrit. Nous, nouvelle salle, soit trop. Je ne trouve rien de mieux à faire que de faire taire les mauvaises langues. Langues, langues à terre et langues qui pendent. Alors une chanson au clair de lune, ça fera l'affaire. Je ne suis pas de ceux qui roulent toujours des mécaniques au bord de la bouche. Et Pierre qui roule ramasse les mouches. Pas touche, touche, réseau, ça toute les douces à l'autre. Et tout, et tout, et tout, et tout ce que j'avais entrepris aux oubliettes pour la vie. Et oui, oui, il y a un temps pour tout et même pour rire. Pour faire la manche ou lancer un nouveau disque. Où va la vie, la nouvelle salle, votre un party, lui faire par le tour et joue, et joue. Comme d'habitude, de nature égoïste, égo démesuré. Pour homme pressé, pour homme doué, détesté, désorienté, égocentrique du possible. Y'a un homme qui se tient debout, ça et là il tend ses mains pleines et calembours. En retour de docilité, de complicité, à genoux les moustiques. Quand on a plus que ça à faire, que d'abreuver les tiers de toute sa haine. Comme l'aigle qui plane au-dessus de nos têtes aux griffes acérées d'intentions funèbres. Il a du sang sur les pattes et puis des frappes chirurgicales. Pour eux, pourquoi se mettre en quatre pour si peu? Tout ça débarge des vies qui ne valent rien. Chez moi la fiesta jusqu'au petit matin, jusqu'à ce que les voisins du quartier viennent se plaindre. Si j'avais su vivre bien, salut couillu à demain. Gamin, vaut rien fini, foutu fichu câlin. Tout ce que j'avais entrepris aux oubliettes pour la vie. Et oui, oui, et y a un temps pour tout et même pour rire. Pour faire la manche ou lancer un nouveau disque. Où va la vie, la nouvelle salve.